Ça m'a servi à beaucoup de choses, sans quoi j'aurais pas eu la chance que j'ai eue. Ça ouvre des portes, je te jure. Il y a des profs qui travaillent pour des grosses boîtes. Déjà, ça nous aide à avoir des stages, tu comprends? Ils savent ce que c'est que le travail. Ils peuvent nous filer des tuyaux sur les situations qu'on va rencontrer. Ils nous préparent, quoi. Tu vois, j'ai fait des stages. J'aurais jamais pu les avoir si j'avais été dans ma petite fac de province. Et puis, je baignais dans le français tous les jours, et même avec d'autres langues, avec mes potes étrangers. C'était super cool. J'ai fait des progrès partout.